Apocalypse Bella, le grand sénateur Nakat États-Unis. Willy Likai, garçon du soleil. Gode Yamba, Hashimi Mostafa, na Canada. Placidi, Maleke, Aron Mitoga, Kanji. Boyoka, l'occident de la ville, Edox, Dieka. Na sala nyonso pona zua Edox, Dieka. Na lela kase kitoko ya we akela yo. Pareil à Château de Moleza, tu es l'incarnation de King Elvis. Et déjà l'otis comme Palimé Loko Yali Sanote Niki Bakoufa Batika Mokili Oyo Asuambe ba problème Kili Kili na vie Papa Boya Kolina. Nous cherchons Pitching Bobila Gila Lokenye. C'est à la Liboso Benassima. Yoko monanga ibele na yo Bizoli na miso ebo kaukade Papa poya kuliwa Jiyak meje masasu ya Feli Bizoli Aina yebisi president Jean-Pierre Okoka Nero mbongo Chaki muto mona papi Ma esplike yo probleme na ba Avec tes épuis de je suis fort de toi. Docteur Didier Mampassi, président cousin Merso. À Paris, Papi Cardera Bundes. De London, Joman la loi. Et salut, grâce au bout d'un amour, ya malonga. C'est tout moi la monte de la et d'un sali et kao. Bibi, j'ai ma sikini, yena a malao. De bon à la mouda, c'est de la tante la ho. PDG, yé kaye. Bonini na mignon, colosse, poya, bolingo na yo. Et pour ta bolingo, si na ma poya, motonio sona. Japonais Okito, Dona Okito. Songa bolingo nangai, Edor Sidi Eka. Yaka bolingo nanga, Adidye ma papi. Toko sanga na masolo, na mote mano na sali. Tala moto ya bolingo, nani ako silisa. Ote yo, ino sama puya papa na Christelle Chiko Mungudi. parti mon conseil irlandais na wenga ye Willy Fatay Django ami ami la toujours pour ça mais pour ça on dit maman non pour si vous m'activez une minute c'est divé encore assis encore non et donc si elle casse la main révélé ça va de la source ne fait la rejet mon fouillis ça m'y mou coco parti que bon tino bon t'es mal. Somba, Louis Onema. Chabani record. Sorry.